بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام محمد بن عبد الوهاب عليه رحمة الله: الناقد العاشر. Donc là, c'est la dernière des abrogations qu'a cité l'imam Mohammed ibn Abdul Wahhab. وهو الإعراض عن دين الله تعالى لا يتعلمه ولا يعلمه ويعمل به. Et parmi donc ces nawaqid, le fait de se détourner de la religion d'Allah Azza wa Jal. Se détourner de son apprentissage ainsi que de son savoir et de le fait et de la mise en pratique. Donc le fait de se détourner de tout cela, ceci est de la mécréance. Cela fait sortir la personne de l'islam. قال والدليل قوله تعالى ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه ثم أعرض عنها إنا من المجرمين منتقمين ومنتقمون. نعم. Et la preuve en cela, c'est la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala qui dit et qui est plus injuste que celui à qui sont évoqués les versets de son Seigneur et s'en détourne. Certes, nous nous vengerons des criminels. نعم. ولا فرق كما قال الشيخ محمد ولا فرق بين جميع النواقض بين الهازل والجاد والخائف إلا المكره وكلها من أعظم ما يكون حضرا أو حطرا خطرا من أعظم ما يكون خطرا طيب. Et donc il n'y a pas de différence à faire dans tous les nawaqid qu'on vient de voir entre celui qui a fait cela pour rigoler ou qui était sérieux ou qui a dit cela ou qui a fait cette abrogation, qui a commis cette abrogation en ayant peur. Toutefois, si cette peur n'a pas atteint le stade de la contrainte. Parce que s'il est contraint, là alors il ne sort pas de l'islam. Non. À l'époque de l'imam Ahmed, l'imam Ahmed, c'est-à-dire il a rendu mécréante ou le reste qui avait accepté de dire que c'était... Là, il y en a un... Et lui, il avait refusé par peur que tout le monde le suive. Lui, il a refusé. Et certains de ses compagnons qui ont dit que le Coran est créé, l'imam Ahmed, eux, ils ont dit ça parce qu'ils étaient sous la contrainte. Et l'imam Ahmed, il voit qu'ils n'étaient pas sous la contrainte. La menace, c'était la menace. Voilà. Mais le vrai, c'est qu'ils étaient الضرورة. نعم. طيب. قال ومن أكثر ما يكون وقوعا فينبغي للمسلم أن يحذرها ويخاف منها على نفسه. Et donc tous ces nawaqid qu'on vient de voir, qu'on a vu dans ce livre là, il est important aux musulmans qu'ils y prennent garde et qu'ils aient peur pour sa propre personne, de tomber dans l'une de ses abrogations. ونعوذ بالله من موجبات غضبه وأليم عقابه وصلى الله على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه وسلم. Donc, voilà comment a terminé son livre Mohammed ibn Abdul Wahhab. نعم. قلنا بعد ذلك الإعراض في اللغة مأخوذ من أعرضت عن الشيء أي أضربت ووليت عنه وجعلته في جانب غير الجانب الذي أنا فيه Le mot a'rad, a'rada en arabe, ça sous-entend, ça signifie se détourner. Ou plus que ça encore, c'est le fait de s'éloigner d'une chose. C'est-à-dire c'est-à-dire, par exemple, tu t'éloignes, je vais m'éloigner de Uthman. Quand tu dis A'radtu an Uthman, selon la langue arabe, c'est-à-dire, j'ai mis Uthman dans un camp, et moi je suis dans un autre camp. Mafhoum ? Tu comprends, Ahmed ? C'est séparé, quoi. C'est séparé, et c'est vraiment le. Hein ? Voilà, c'est un écarté. Selon la législation, قال الإمام ابن القيم عليه رحمة الله وأما كفر الإعراب فأن يعرض بسمعه وقلبه عن الرسول عليه الصلاة والسلام. Mais le fait de se détourner ou le détournement en vue de la religion, c'est-à-dire le fait de se détourner de la religion qui fait sortir la personne de l'islam, ce n'est autre que celui de se détourner de l'écoute du prophète alayhi salatu wassalam, que ce soit par l'audition ou par le cœur. Tu veux rien savoir sur le prophète alayhi salam, ni ce qu'il a ordonné, ni ce qu'il a interdit, ni ce qu'il a enseigné, ni comment il faisait ses adorations. Toi, tu veux rien savoir. Non. لا يصدقه ولا يكذبه. Ni tu le rends véridique, ni tu rends le prophète sallallahu alayhi wa sallam véridique, et ni tu le démens. ولا يواليه ولا يعاديه. Ni tu t'allies au prophète sallallahu alayhi wa sallam, et ni tu le prends en inimitié. يعني كأنك ما أنت مبال بشأنه. Comme si tu n'étais vraiment pas concerné par. Wa alaykoum salam. Comme si tu n'étais pas concerné par son affaire. Wa la yafra ila ma jaa bihi al-batta. Donc celui qui se trouve dans ce cas-là, il est certes sorti de ma'ana l'islam. Naam. Qala fal-i'radu qismayni. Et le fait de se détourner, il y a deux genres de détournement. Vous voyez, il y en a un qui fait sortir de l'islam, et un autre qui ne fait pas sortir de l'islam. Non. Celui qui fait sortir de l'islam, c'est celui que vise le Mohammed ibn Abdul Wahhab dans ce naqid. Et c'est aussi celui qu'a défini l'imam ibn al-Qayyim, comme on vient de lire. Non. طيب فالإعراض قسمين ما هو كفر مخرج من الملة وهو الذي عرفه ابن القيم وهو مراد الشيخ هنا أي من لا يتعلم الدين ولا يعمل به وليس له همة في معرفة التوحيد والعبادة. Donc celui qui n'a pas la moindre intention d'apprendre sa religion, d'apprendre c'est quoi le tawhid, d'apprendre c'est quoi les règles, d'apprendre la vie du prophète, والسلام, de connaître le prophète, والسلام, ainsi que ses compagnons, hada kafr. Hada kafr. Et en général, tu ne vas jamais trouver un musulman qui aime la religion d'Allah, si ce n'est qu'il a envie d'apprendre. Si ce n'est qu'il a envie d'entendre un ayah. Si ce n'est qu'il a envie d'entendre un hadith. Naam. Ala bi dhikrillahi tatma'innu al-qulub. Naam. Celui qui. Beaucoup d'entre eux, ils rentrent dans ce naqid. Même s'ils font la salat, même s'ils font le siyam, même si. Du moment qu'ils sont ba'id al-din, c'est-à-dire qu'ils ne veulent pas apprendre, ils ne veulent pas savoir que c'est comment faire la salat. Lui, il vient. Tout ce qu'il veut, c'est prier comme son père, il lui a dit. Tu lui dis, ouais, mais attends, il y a des cours pour apprendre la salat, comme ça tu sais. Non, mais. Il l'a fait quand il veut. Voilà, il est baïd. l'éveil à l'ilm. Ça c'est un kafir. Il a مثلا اعرض يعني اعراضا كليا. S'il se détourne de la religion tamam. C'est-à-dire il veut rien apprendre de ni le tawhid. Tous lui il vient par exemple il vient à la salat, c'est juste par rapport au fait que مثلا هذا ايوب سو جاوب. نعم. Eh, ça. Eh, alaykum salam. Fini d'art, salam, ouéna. Ah, baroupama, l'amma ta'ati, d'art, c'est un taï. Avant que t'arrives. Yallah, khair. Yallah, ça va. Allah y barakhi. Taïb, Ahmed. Donc, celui qui, lui, il veut rien apprendre de cette religion. Tamam? يعني لا آية ولا حديث ولا توحيد ولا عقيدة ولا فقه ولا شيء مم سي بيان في صلاة فهو كافر et dans ce cas là si quelqu'un veut rien apprendre de lui-même mais quelqu'un quand il lui explique un verset ou un hadith il essaie de le retenir ou il écoute non s'il écoute bah alan khalas il sort de cette affaire. Mais s'il ne veut rien entendre, non, moi, le fait d'apprendre ou de commencer le dire, non, moi, ça ne m'intéresse pas. Ah, d'accord. D'accord. Mais en fait, c'est le voir. Ils disent musulmans non pratiquants. Ouais, pareil. Musulmans non pratiquants. Est-ce que ça existe, c'est Ahmed, quel est musulman non pratiquant? Ça n'existe pas. Il se qualifie comme ça généralement. Ouais, c'est... Je reste dans l'islam, mais pour moi. Voilà. L'illah est barak. Jazakallahu khairan. En fait, il veut absolument rester dans l'islam. Il veut pas montrer que. Ouais, le mauvais client pour lui. Voilà. Je vais en enfer éternel. Voilà, il veut pas se l'avouer. Mais ça, il y a ceux qui arrivent, ils ne crient même pas au musulman, au ramadan. Comme la jeunesse d'aujourd'hui, elle vient de Salat, c'est pas que intentionnellement elle dit non, je ne veux pas apprendre. Mais alors, pourquoi oh, non, non, voilà, ben ça, non. Ça, celui-là, et comme on va voir, là, il y a deux exemples, là, regarde, on va terminer, tu vas comprendre. Elle est arabe, donc le premier, c'est celui, il s'éloigne de toute chose, il ne veut rien savoir. Le deuxième, il est arabe, là, il fait le sahibuhu min al-milla. Wa huwa alladhi yasdur mimman 'indahu aslu al-iman. طيب يكون مسلما لكنه أعرض يكون مسلما لكنه أعرض عن فعل الواجبات أو ارتكب بعض المحرمات وترك بعض المستحبات لا عن استحلال قلبه لا عن استحلال قلبه بل كسلا وتهاونا. طيب الدوزيام لا دوزيام سورت سي سكو تي ايفوك لا سي سيلوي il apprend pas sa religion ou il apprend pas certaines choses, il s'éloigne de, il fait pas les certaines obligations et il tombe dans certains interdits, mais lui il apprend pas parce qu'il veut pas, parce que c'est de la paresse, c'est ça va le fatiguer, ou c'est pas parce qu'il veut pas, t'as compris? Celui qui c'est ça son hal, il sort pas de ça. Il sort pas de ça. Lakin, si il veut pas apprendre, non, moi je veux pas, ça va, il prie de l'islam. Vous comprenez? Mais si le deuxième cas là, même là tu parles, au moins il fait la salade. Ouais, non. Ah ouais, là on parle pas du khilaf, est-ce qu'il fait la salade, est-ce qu'il veut pas la salade. Là il fait la salade, mais. Là il fait la salade. Voilà, il fait la salade. Il le fait, mais il tombe dans des erreurs. Voilà, mais... voilà. نعم طيب قوله الجاهل لسك الشيخ محمد بن عبد الوهاب يدي دون تكس يدي الجاهل هو الذي يقصد ما يقول ويفعل الجاهل c'est celui qui a le qui sait ce qu'il dit et ce qu'il fait. Celui qui sait ce qu'il dit et ce qu'il fait. Voilà, il est conscient de ce qu'il dit et ce qu'il fait. والهازل الهازل هو الذي لا يقصد إنما يقول أو يفعل هذا من باب المزاح واللعب وذلك رد على المرجئة الذين يقولون لا يكفرون حتى يعتقد بقلبه طيب والهازل الهازل c'est celui qui dit des choses mais il ne les pense pas. En fait, il dit ces choses-là juste pour rigoler. فهذا يكفر ولا ما يكفر؟ نعم يكفر. نعم يكفر. طيب والخائف. قال والخائف المراد بالخوف هنا الذي لم يبلغ حد الإكراه بل وقع في الكفر لمجرد خوف على مال أو بلد أو رياسة أو دنيا. نعم. Donc, et lorsqu'il parle de celui qui a peur, c'est celui qui a peur sans que cette peur-là n'atteigne le degré de la contrainte. C'est juste qu'il a eu peur pour, il a eu peur de perdre un peu d'argent ou de perdre son pays ou sa présidence ou quoi. Fahada yakfur. Taïd. Wa qawluhu illa al-mukrah taqaddama anna al-ikrah min mawani' al-takfir. Ça y est. Donc là, on a terminé le livre et Mimbab, c'est Ziyadat Fa'ida. On a évoqué certains nawaqid d'Ikhtisar, d'autres nawaqid que Cheikh al-Islam il n'a pas évoqué. Pas parce qu'il ne les connaît pas, mais parce que tu pourrais les rentrer dans les nawaqid qu'on a évoqués. Laquelle moi, je les ai évoqués là à la fin. Parce qu'ils sont importants, surtout à notre époque. Il y a beaucoup de gens qui ne les connaissent pas. Taïd, Fadakarna, Taïd, Mithl, Yani, Man Mathala Sifat Allah, Bi Sifat al-Makhlouq, Ou Attalaha, celui qui a comparé les attributs d'Allah avec les attributs de la créature. Ça, c'est des autres nawaqid, mais ils sont il y a ijma' là-dessus. Eh, n'am. N'am. Il y a ijma', allez. Il l'a fait. De toute façon, on va évoquer si c'est une masala ou il y a un ijma'. Mais en tout cas, man masala sifat Allah bi sifat al-makhlouq, ou attalaha, fahada kafir. C'est quoi le dalil? Laysa ka mithlihi shay. وهو السميع العليم وهو السميع البصير. Pourquoi? Parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala dit il n'y a personne comparable à lui. Donc si quelqu'un compare un de ses attributs avec la création, il a certes démenti ce verset. Et celui qui dit que Allah il n'a pas d'attributs, il n'a pas de main, il n'a pas de visage, il n'a pas, celui qui dit ça, pareil aussi il a mécru. Et toujours par rapport à ce verset. La première partie du verset, elle réfute ceux qui comparent les attributs d'Allah avec les attributs de la créature. Et la fin du verset, wa huwa as-sami'ul basir, elle affirme qu'il a bel et bien des attributs. Wa huwa as-sami', c'est-à-dire, et c'est lui le bien audient et le clairvoyant. Donc ça prouve qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il a bel et bien les attributs. Lakin, ces attributs-là lui sont propres et conviennent à sa majesté. Taïd. Donc ça, c'est un des naqid qu'on a rajouté. وَكَذَلِكَ مَنْ تَرَكَ الصَّلَاةَ تَكَاسُلًا كَفَرَ عَلَى الصَّحِيحِ. Celui qui délaisse la prière, il est certes devenu... C'est celui qui délaisse la prière de manière par paresse. De manière par paresse. Non, s'il dit que la salat n'est pas obligatoire, alors là il n'y a pas de khilaf. S'il dit que la salat n'est pas obligatoire, ou il réfute la salat, là il n'y a pas de khilaf. Enfin, c'est un ijma. Le temps. On va mettre un annulatif où il y a khilaf. Voilà, celui-là il y a khilaf. C'est pourquoi j'ai mis ala sahih. à la sahih, ça t'indique qu'il y a un khilaf. Non. Celui qui délaisse la faire par paresse, c'est un café, mais il y a un khilaf. Voilà, il y a un khilaf. Et le délil, le nabi, sallallahu alayhi wa sallam, il y a un khilaf. Le prophète sallam, comme c'est un hadith rawahu Jabir, an Jabir rawahu Muslim, le prophète sallam dit, certes, entre l'homme et la mécréance, ou entre l'homme et l'association, ou la mécréance, il y a le fait de délaisser la salat. طيب. وكذلك من قذف أم المؤمنين عائشة بما برأها الله منه كفر. كذلك parmi les abrogations de l'islam, le fait de dire que Aïcha, la femme du prophète صلى الله عليه وسلم, elle a forniqué. Celui, c'est les chi'as. Les chi'as, a'oud billah min fitnatihim. Ils ont une fête spéciale. Dans la fête, qu'est-ce qu'ils font? Ils prennent un mouton, ils l'attachent. Et ils en prennent deux. Après, ils viennent, ils disent en gros, le mouton, c'est Aïcha. Ils prennent leur arme à feu et ils vident un chargeur sur le mouton. Ils disent, ah, Aïcha, après. Hein? Ou bien quand ils ont combattu les frères, que ce soit Damage ou autre, ils les appelaient comment? Comment ils les appelaient? Ils disaient Ya Abna Zani, oh vous les enfants de la fornicatrice ou la prostituée. Non. Mais ça vient. Aucun akhouna hamza yasubbum sabban. Wallahi, sabban. يا فجرة يا صدا incroyable. نعم فلهذا سبقا الشيخ يزي سي أبا يعني une défense plus obligatoire que celle-là فما علم إيش الدفاع. نعم المهم فسلوكي et ça c'est une مثلا il n'y a pas de خلاف c'est un ittifaq بين أهل العلم. Comme quoi, celui qui prétend que Aïcha a fait zina, il a certes mécru. Pourquoi? Parce qu'il a démenti les versets d'Allah subhanahu wa ta'ala qui sont évoqués dans Surat al-Nur. Où Allah subhanahu wa ta'ala l'innocente. Allah subhanahu wa ta'ala innocente Aïcha dans les versets de Surat al-Nur. Donc celui qui vient et prétend après cela que Aïcha a bel et bien fait zina, il a certes mécru au Coran, fawa kafran. طيب. ومن قذف غيرها من أمهات المؤمنين رضي الله عنهن كفر على الصحيح. Et celui qui vient à blasphémer une autre femme parmi les femmes du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a certes mécru à la sahih. Parce que là, il y a un khilaf. Si c'est une autre femme que Aïcha, là, il y a un khilaf. Pourquoi? Parce que Aïcha, il dément le verset. Non mais blasphémer, c'est-à-dire s'il dit que c'est... Voilà, et quand on parle de Aïcha, c'est-à-dire quand on dit pas ouais, il dit Aïcha elle est moche. Ça c'est un ta'an kabir ou kada, lakin ça va pas être comme le fait de l'accuser de zina. Tamam? Et là quand tu parles des autres femmes, c'est... Et quand on parle de voilà, quand on parle des autres femmes du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est les accusations concernant la perversion. Fawash. Naam. Donc... Celui qui les accuse d'avoir forniqué ou de ne pas être des femmes chastes, il a certes mécru à la sahih. Pourquoi? لأنه قدح في رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن الخبيثات للخبيثين. Non. Parce que ça sous-entend une insulte envers le prophète عليه الصلاة والسلام. Car Allah سبحانه وتعالى il a évoqué dans le Coran comme quoi, les bons ont bon et les mauvais ont mauvaise. Non. Donc si ce serait des femmes mauvaises, alors ça sous-entendrait que le prophète est lui-même mauvais. Non. Oui. Le dernier naqid qu'on a évoqué, man sabba as-sahaba, celui qui insulte les compagnons, bima yaqtadi kufru kufra aktharihim ou amatihim ou anna amatahum fasaqu. Celui qui viendrait à insulter les compagnons d'une insulte qui va laisser penser que la plupart d'entre eux sont mécréants. Ou Mada, que la plupart d'entre eux sont mécréants, ou que la totalité d'entre eux sont mécréants, ou que la totalité d'entre eux sont des pervers. Fahada kofron mokhrijun min al-millah. Ceci est une mécréance qui fait sortir de la religion. Liannahu takdhibun lillahi wa rasulihi bi thana'i alayhim wa at-taradi anhum. Pourquoi? Parce qu'il démonte Allah Azza wa Jal, car Allah subhanahu wa ta'ala, dans le Coran et le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans la sunna, ils ont fait l'éloge de ses compagnons. Khairul quruni qarni, thumma alladhina yalunahum, thumma alladhina yalunahum. La meilleure des époques est mon époque. C'est juste le fait d'insulter un compagnon, c'est une coupe. Et même le prophète, il a dit à Allah, fait Jannah. Eh, non. Voilà. Pareil. Si on aurait pu rajouter aussi le fait de... Parce que les Shia, ils insultent Abu Bakr ou Omar. Ils disent que Abu Bakr ou Omar, c'est n'a. Pas la coffre. Là, on a un chilef. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, quand t'akallama fi ahadith et sihah, anna hum fil jannah. Donc celui qui vient, il dit Abu Bakr, c'est n'a, ou Omar, c'est n'a. Fahoua kafir. L'annahu radda hadith al Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Mais si quelqu'un vient et parle, il dit Muawiya, c'est un zalim, ou Mada, voilà, ou c'est un menteur, ou la kada. Hada, il a certes commis un péché azim, mais il n'a pas atteint le stade de la mikhira. Wallahu ta'ala a'lam. Tayyib. Wa man shakka fi kufri misli hada, fa inna kufrahu muta'ayyin. Wa hada bittifaq. واختلفوا في من سبهم باللعن أو التقبيح والصحيح أنه كفر المهم بهذا ننتهي من هذه الرسالة النافعة وإلى هنا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب جزاكم الله خيرا.